Elle est belle la cascade quand elle saute des rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'au bas de la vallée. Au cours de son escapade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là, près de la cascade, que je notre amour. Il y a bien longtemps déjà que l'on chante ces montagnes qui enchantent nos yeux et nos cœurs de Morzine à Avoria. On y vit comme autrefois et l'on aime ces montagnes aux mille couleurs. De tes sommets enneigés, on aperçoit les clochers de tes villages. Tout mon paysage, ta splendeur et ta beauté embellit la vallée. Il y a bien longtemps déjà que l'on chante ces montagnes qui enchantent nos yeux et nos cœurs de Morzine à Avoria. On y vit comme autrefois et l'on aime ces montagnes aux mille couleurs. Il y a mille façons d'apprécier chaque saison. L'hiver on glisse sur chaque pioche pour profiter de l'été. On part en randonnée de Morzine. Il y a bien longtemps déjà que l'on chante ces montagnes qui enchantent nos yeux et nos cœurs de Morzine à Avoria. On y vit comme autrefois et l'on aime ces montagnes aux mille couleurs. C'est David Firmin qui prend la suite avec un morceau, bien évidemment. Lozère chérie. Alors là, je vais être obligé de faire un petit recul. Lozère chérie, demandé de la part de Simone, pour tous ses amis et ses enfants, pour Mamie Geneviève, et pour l'animateur, merci Simone. Et puis bon après-midi sous la pluie. J'espère qu'elle est sous la pluie, Simone. Il faut qu'elle court pour remettre ses os en place. Voilà. Alors on écoute donc David Firmin. Thank you. rue en passant. Écoutez-moi tout en valsant. Je vais vous emmener, plus besoin de compter. Où le temps s'est arrêté. Un petit coin de mon enfance, posé sur la carte de France. Ouvrière et jeunée, danse dans les forêts, où les merveilles sont bien cachées. Je vous emmène en Lozère. Alors vous deviendrez riche à Mignon et vous aimerez ma terre. Car sa force vous prendra et jamais ne vous quittera. Par une autre valse, et c'est pour Simone, de la part de Mamie Geneviève, et c'est pour l'animateur, merci. Et c'est assez bien pour Simone. Hein. Son cœur est amoureux, ça je savais pas ça, je suis pas au courant de tout. Hein. Alors on continue bien sûr avec Son cœur est amoureux. Commencer la joie des autres garçons de son âge fait mal au pauvre berger. Son cœur est amoureux de la couleur des cieux, de ses blanches montagnes, de sa jolie campagne, de ses vertes prairies, de ses lacs. Si joli, son cœur est amoureux des attraits de sa blonde aux yeux bleus. Pendant ce temps, une jolie fillette souffre aussi du mal d'aimer, en délaissant les échos de la fête aux étoiles s'en va rêver. Son cœur est amoureux de la couleur des cieux, de ses blanches montagnes, de sa jolie campagne, de ses vertes prairies, de ses lacs si jolis. Son cœur est amoureux, amoureux du berger. Bien faite, il le voulut ce jour-là. Le berger osa dire à la fillette ce qu'elle même lui avoua. Ton cœur est amoureux, amoureux de tes yeux. Je t'accompagne, viens toutes mes montagnes, viens toutes mes prairies. Si joli, mon cœur. quand un chasseur s'en va avec son chien, son fusil, son bala, il croit toujours accomplir un exploit, mais souvent la bredouille il ramènera. Taïo, taïo, taïo, mon chien, ramène-moi une perdrix à lapin. Taïo, taïo, taïo, mon chien, parcours le bois et surtout cherche bien. Quand il revient échauffé et vanné, il n'a rien mis dans le fond du carnet. Sa femme lui dit, mais où as-tu chassé? Est-ce la colombe, la bécasse ou le café? La chance a tourné, c'est un beau lièvre qu'il a mis dans le carnet, mais c'est son chien qui lui a rapporté. Le voisin en son absence a tiré. Taïo, taïo, taïo, mon chien, ramène-moi une perdrix à lapin. Taïo, taïo, taïo, mon chien, parcours le bois et surtout cherche bien. Voilà, c'était donc la Brouée Taillot avec Jean-Désiré Bailly. Et on continue, bien sûr, les traîneaux de Megève avec Bernard Marly. Quand le soleil se lève, on entend dans le lointain. Et c'est chanté par Hubert Ledon. De Megève viennent arpenter les chemins. Ils apportent le rêve dans le village enneigé. Les traîneaux de Megève sont venus nous promener. Ils représentent le pays avec leur fière allure. C'est comme un petit paradis quand on voit leur parure. On a tout le temps, même devant les voitures. Quand le soleil se lève, on entend dans le lointain les traîneaux de Megève viennent arpenter les chemins. Ils apportent le rêve dans le village enneigé. Les traîneaux de Megève sont venus nous promener. Ils sont conduits par la jument à travers le village. Avec fierté, tous les Megevins savent lui rendre hommage et font passage. Quand le soleil se lève, on entend dans le lointain les traîneaux de Megève viennent arpenter les chemins. Ils apportent le rêve dans le village enneigé. Les traîneaux de Megève sont venus nous promener. On entend dans le lointain les traîneaux de Megève viennent arpenter les chemins. Ils apportent le rêve dans le village enneigé. Les traîneaux de Megève sont venus nous promener. Les traîneaux de Megève et à nous la liberté. Ah. France, tous ses recoins, tous ses secrets, du Finistère jusqu'à la Provence, et de l'Alsace aux belles Pyrénées. Il y a des endroits sont de pure merveille, et pour les yeux et pour l'esprit. Mais pour moi le plus beau sous le soleil, c'est bien mon village chéri. Il est le plus beau, il n'a pas de château, mais c'est tout pour moi puisque je suis né dans ses bras. Il a mis l'attrait quand j'y suis bien né, et c'est pour ça que j'y suis resté. Le moindre coin de rue est plein d'histoires vécues hier au soir ou plus loin dans ma mémoire. Un pacte pour la vie a jamais nous unis. Il est mon chez-moi, mon petit paradis. Il est le plus beau, il n'a pas de château, mais c'est tout pour moi puisque je suis dans ses bras. Il a mis l'attrait quand j'y suis bien né, et c'est pour ça que j'y suis resté. Le moindre coin de rue est plein d'histoires vécues hier au soir ou plus loin dans ma mémoire. Un pacte pour la vie à jamais nous unit. Il est mon chez-moi, mon petit paradis. C'est Gaby Tchirma et vient de nous interpréter Mon beau village. À l'heure actuelle, c'est toujours Gaby Tchirma avec Fleur de Lozère. De tes 20 ans, sur la fougère, nos effusions me semblent si proches encore maintenant. Fleur de l'Auxerre, fille du vent, je n'oublierai jamais ces instants dans la bruyère où tous les deux nous étions follement amoureux. Thank you. tome des Vosges. Savez-vous ce que veut dire le mot tome? La tome de Savoie, comme il veut dire le mot tome. Ben, je vois que vous ne savez pas. La tome, c'est un nom de fromage en patois. Tout simplement. Une jolie fleur rouge et jaune, dans nos repas la gaieté. Sauvage qui fait perdre la raison. La pomme des Vosges, d'un gris parsemé, d'une jolie fleur rouge et jaune, comme au repas la gaieté. Et on écoute maintenant le chant du lac de Xonrup dans les Vosges. Et c'est parti, mon kiki. Si ça veut bien démarrer, ce sera magnifique. Dans quelques secondes, me dit-on. Et voilà. Qu'il y avait des paroles, mais non, il y a simplement l'eau qui coule. Alors on continue avec David Firma qui va nous interpréter. Il va nous interpréter pour changer un peu, interpréter la Saint-Hubert. Celui-là c'est l'autre. Une composition de André Vercheren. We'll be right back. Et on continue, 13h passées de 22 minutes, 23 minutes même. On va pas être chien. Et on va continuer avec Bernard Marly, Arlette et Hubert Ledan. Si tu viens danser dans mon village. Je dirai ton nom au blanc nuage. Et pour toi, mon amour, changerai les détours de ruisseaux. Tous mes vieux amis sur ton passage. Te diront bonjour à leur façon. Soleil sur les toits, des merveilles pour toi. Si tu viens danser dans mon village, la la la, la la la. La jeunesse en chantant fait danser le printemps et l'herbe au vent vole vole. La musique et l'amour font danser les beaux jours à la jolie farandole. Et tu viens danser dans mon village. Je noierai ma peine au fond du fleuve. Je dirai ma joie au vert feuillage. Pour toi, dans le bal, volerai les étoiles de la nuit. Tous les feux follent sur ton passage. Brilleront pour nous de mille éclats. Et le matin chantera quand tu me prendras dans tes bras. Dans mon village, la la la, viens danser. Eh bien, on va écouter maintenant Mick Breyin et Corinne Chrétien, bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Et on parlait tout à l'heure avec Paulette de Fleury, qui m'a demandé ce morceau, qu'on vieillissait, etc., etc. Ben, on va écouter Vieillir par Mick Breyin. pas, on est insouciant. Vieillir, quand on a 30 ans, tout est épatant, on prend la vie à pleines dents. Vieillir, quand on a 40 ans, c'est papa, c'est maman, on élève nos enfants. Vieillir, quand on a 50 ans, c'est déjà la mi-temps, on n'y croit pas vraiment. C'est ça la vie, on n'a pas choisi, chacun son chemin. C'est la notre destin. Quand on a 60 ans, il y a encore de bons moments, mais c'est déjà moins souvent. Vieillir, quand on a 70 ans, c'est papy, c'est mamie, on garde nos petits-enfants. Quand on a 80 ans, et même est-ce maintenant, c'est nos derniers élans. Vieillir, quand on a 90 ans, alors là on pense à nos 20 ans, nos souvenirs d'antan. C'est ça la vie, on n'a pas choisi. Chacun son chemin, c'est la notre destin. C'est ça la vie, on n'a pas choisi. Chacun son chemin, c'est la notre destin. On change de région, on va quitter la Touraine pour la Provence avec Pierre-André. Et ce sera les étoiles de la Provence. Les étoiles de la Provence parlent d'amour dans ce soir d'été. Et les eaux claires de mes romans coulent sur tes lèvres sucrées, restant cachées dans la garrigue, parmi la lavande et les oliviers. Une mélodie nostalgique chante la Méditerranée, le soleil et l'éternité. Passe l'été, c'est déjà le printemps. Les cigales de la colline, toutes les nuits nous bercent doucement. La lune sur la mer scintille, une colombe a déjà fait son nid, comme nous dans ce paradis, le paradis bleu des chansons d'amour, Méditerranée de toujours. Les étoiles de la Provence me comptent les histoires d'un vieux moulin. Les cigales de mon enfance rechantent en moi dans le lointain, tout comme un roman de Pagnol qui sent la garrigue et le romarin. Les étoiles des années folles nous guident un peu vers l'avenir, avec l'accent qui fait sourire. Reste près de moi, chante doucement, à

encore le rêve et la raison pour l'avenir. Violette qui renaît après la neige et l'hiver pour prolonger la jeunesse. J'ai gardé ce livre ouvert. Gorgé de soleil. N'hésitez pas. Également découvrir de nouveaux produits. Bon, alors un petit mélange à l'antenne pour changer un peu. La vigne abandonnée, toujours par Pierre André. Quelques terrasses en pierre, vestiges d'un autre âge, envahies par le lierre et mille fleurs sauvages. Découpe le vallon comme une mosaïque, laissée à l'abandon, perdue dans la garrigue. Quelques pieds de muscat résistent encore au temps, s'étalent ici et là, témoins toujours vivants. La terre de ses entrailles donnait aux paysans par le goût du travail, du vin et du froment. Elle court sur la colline, la vigne abandonnée, parmi les sauvagines, sous le ciel de juillet. Elle court parmi les herbes dans ce pays lointain, où l'on coupait la gerbe, où l'on buvait du vin. Elle court sur la colline, au pied de la chapelle. Le raisin de la traîne ne sera plus coupé. Le temps va recouvrir, le temps va oublier la vigne abandonnée qui demain va mourir. Ils sont pourtant bien verts, ces sarments rescapés qui sortent de la terre cherchant des ouvriers. Ils sont pourtant jolis, ces raisins qui mûrissent parmi les pissenlits, ces raisins qui pourrissent. Il était pourtant bon, ce vin ensoleillé, ce fruit de la passion que le village entier coupé pour les vendanges, quand les cris des enfants faisaient sourire les anges qui protégeaient leurs champs. Elle court sur la colline, la vigne abandonnée, parmi les sauvagines, sous le ciel de juillet. Elle court parmi les herbes dans ce pays lointain, où l'on coupait la gerbe, où l'on buvait du vin. Elle court sur la colline, au pied de la chapelle, le raisin de la traîne ne sera plus coupé. Le temps va recouvrir, le temps va oublier la vigne abandonnée qui demain va mourir. Elle court sur la colline, la vigne abandonnée, parmi les sauvagines, sous le ciel de juillet. Elle court parmi les herbes dans ce pays lointain, où l'on coupait la gerbe, où l'on buvait du vin. Si, si, Musette, et bien sûr, c'est Roger Si. Je crois que c'est son dernier CD. Hein. Et on continue avec Rosacy, et ce sera Je peux écrire une chanson. Je peux écrire une chanson, Rosacy. C'est de Christiane Fombran, Emmanuel, la petite fille à Roger. Musique, j'ai perdu. Non, pardon. Parole de Christiane Fombran, musique de Rosacy et Thierry Monico. Je peux écrire une chanson sur qui est chantée par Noël Maillet. Musique, un chant qui donne le frisson. Cœur tendre et romantique, je veux vous offrir un bouquet, mêlant les roses et les pensées, vous avouer tous les secrets que j'ai jalousement gardés. C'est un petit air. Cherche toujours, croyez-moi, à retrouver dans ma mémoire tous les souvenirs d'autrefois, en rêvant à ma belle histoire. Mais je sais bien que maintenant, il faut que je tourne la page. La chanson c'est comme le vent, elle est bien souvent de passage. C'est un petit air, un tendre bonheur. Quand on danse à deux, il n'est rien de plus beau. Cette chansonnette apporte le bonheur. Elle vient nous donner de la joie dans le cœur. 13h passé de 49 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Je rappelle les rendez-vous du mois de décembre. Samedi 7 décembre, entre 16h et 18h, je recevrai Jean-François Bernard. Et le samedi suivant, 14 décembre, ce sera le tour de Michel Vrabel, un ancien qui revient à l'accordéon, pourquoi pas. Le temps d'une émission au moins. Alors on va continuer avec l'automne en Dordogne et Pierre André. Sous-bois, brume de l'automne, dans le petit matin naissant, quand toute la forêt frissonne, quand la vigne est d'or et de sang, l'eau fuyante de la rivière qui naît et retourne au néant, sans jamais regarder derrière, comme aimanté par l'océan. Le temps venu de la vendange, la campagne prête au labour, et quand s'est refermée la grange, le chai qui s'en trouve à son tour, la terre qui colle aux chaussures, la gibecière et le fusil, pas de doute, une chose est sûre, on ne peut vivre mieux qu'ici. Ici c'est de pourpre et de vert, ici c'est de noir et de blanc. Quatre couleurs d'un univers, sans faux fuyant ni faux semblant. la Dordogne est un monde à part. Depuis tant de millions d'années, est-ce un simple fait du hasard, si c'est là que l'histoire est née? Le vin nouveau dans la barrique et la pomme au bout du couteau, ça vaut toutes les Amériques, c'est mieux que tous les concerts. La soupe au chaud dans la marmite, du pain, du jambon, quelques noix pour les amis que l'on invite à ce festin fait pour les rois. Et dans l'automne qui s'avance, avant que n'arrive le froid, déjà frissonne la semence que l'on fait rouler sous ses doigts. Et puis, quand les enfants s'endorment au bout d'une journée remplie, on se dit que bonheur énorme, on ne peut vivre mieux qu'ici. Ici, c'est de pourpre et de vert, ici, c'est de noir et de blanc. Quatre couleurs d'un univers, sans faux fuyant ni faux semblant. La Dordogne est un monde à part, depuis tant de millions d'années. Est-ce un simple fait du hasard, si c'est là que l'histoire est née? Et puis, quand les enfants s'endorment, au bout d'une journée remplie, on se dit que bonheur énorme, on ne peut vivre mieux qu'ici. Et puis, quand les enfants s'endorment, comme une prière, on se dit, ce serait un bonheur énorme s'ils pouvaient rester vivre ici. Et puis, quand les enfants s'endorment, comme une prière, on se dit, ce serait un bonheur énorme s'ils pouvaient rester vivre ici. Comme le vent passe sur le rivage, on ne sait d'où vient l'amour quand il vient. Enfant d'éole, cet oiseau de passage s'envole un soir vers un nouveau destin, par-delà l'horizon, vers ses images où l'amour est un enfant de l'été. Par-delà l'horizon, du fond des âges, conjugué au présent, le verbe aimer. Derrière la brume, regarde, il y a du soleil. Après l'hiver, la pluie vient de beau temps. Ne t'en fais pas, car c'est toujours pareil. Mais sans la pluie, rien ne pousse vraiment. Oublie l'orage, les mauvais souvenirs. Le vent ce soir a dégagé le ciel. Et suis tes larmes, retrouve le sourire. Elles reviendront bientôt, les hirondelles. Comme un oiseau blessé par trop de peine, toi douce palombe sans lendemain, espoir d'enfant brisé, le cœur qui saigne, trop de blessures et de tristes matins. Le soleil brille en toi, brise tes chaînes, laisse chanter les passions de ta vie. La liberté, l'amour, oublie la haine.

diverses promotions vous attendent. Donc, venez nombreux. Então não se esqueçam, até 11 de novembro, passem pela Casa Mariano para preparar o Magosto e nem só. Les établissements Mariano, au Cave du Portugal, 1 rue de l'Orme Gâteau, à 6 mois. Eh bien, après ces publicités maison, on va continuer avec un tour dans le Berry, parole de Christine Fomran, musique de Roger Si. Et ensuite, on écoutera « Elle vient d'un pays lointain », paroles de Christine Fomran et Emmanuel, musique de Roger Si et Charles Cassonnet. Voilà. Donc, on va commencer par un bout. Un tour dans le Berry. C'est notre ami Roger Si, bien sûr. Et c'est un échange standard, disons, entre la source et Fleury des Aubrais, entre le studio et Anne-Marie. Anne-Marie, elle perd complètement les pédales en ce moment. Elle se lève à des heures indues. Elle se couche à des heures au moins indues, ou de dues même. Donc ça devient inquiétant. C'est la vieillesse, peut-être, qui commence à la prendre. Bref, on verra ça dans quelques années. Un tour dans le Berry, voici donc notre ami Roger Si. Il est vrai que je préfère m'amuser sur cette terre, voyager dans le pays, faire un tour dans le Berry. Je ne me fais pas prier, partout je vous fais danser. J'ai toujours de belles chansons et aussi l'accordéon. Chanté par Noël Maillet. Le soir ou l'après-midi, on s'amuse comme des fous en buvant un petit coup. Mais ce qui me donne des frissons, c'est surtout l'accordéon. Et un petit air de musette, ça vous met le cœur en fête. S'il fallait un jour choisir, je ne pourrais pas vous dire ce que vraiment je t'ai fait, car je suis homme à tout faire, surtout à vous faire danser la valse ou bien la bourrée. Je vais dans toutes les régions avec mon accordéon. Eh bien, il est 14h, passé de 10 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel, pile. Et on va écouter notre ami Berlaudio. Ça va changer un petit peu d'accordéon. Voilà, il en faut pour tous les goûts. J'allais vous le dire. Ah non, mais il y en a, il n'a pas de chance. Hein. C'est un pauvre gars, un pauvre Berlaudio. Il est venu dans les moments où, vous savez, où il y avait les bombardements, tout ça. Alors là, jamais, il n'est pas comme tout le monde. Hein. Ah ben non, les paf, ça pétait dans tous les coins. Alors, il ne supporte pas le bruit. Ah ça, quand il n'y a pas de bruit, ça va. Il est normal, il est bien. Mais le moindre bruit, là, je vous le dis, ça va mal, hein. Ah ça, le travail, hein. Oh, ben, c'est. Ah, il n'a pas de chance, pensez qu'il est. Ben, vous voyez, un pauvre mec comme ça, dans la vie, pour trouver du boulot, c'est pas facile. Et il a quand même trouvé du travail, dites-donc, dans une entreprise de travaux publics. Au marteau-piqueur. Alors là, autant vous dire que ça... Quand il rentre le soir chez lui, il est complètement... Ça le secoue de partout, hein. Alors évidemment, il a pas eu... Il a eu des animaux, il était tout seul, alors il aimait les bêtes, alors il a eu des chiens, mais il n'a pas pu les garder, les chiens. Quand il rentrait le soir pour sortir son chien, il faisait « Coco, atata, coco, atata, attention au caca, attention. » Le temps qu'il dise « camion », le chien une limande. Après, il n'a pas eu de chance avec ça. Hein. Et un jour, dites donc, il a gagné une lapine. Ah oui, dans un concours, mais alors la belle. Hein. Belle lapine, vous savez, la persane, la blanche, avec les yeux en amande. La belle lapine, voilà, la lapine de concours. Ah bah oui, ça, tout le monde prenait le concours lapine, ça valait bien la faire, celle-là. C'est vieux comme mes robes. Non, mais c'est... Non, mais attention, il adore sa lapine. Hein. C'est un garçon qu'on le voit tous les samedis sur le marché, la lapine à la main. Hein. Ah non, là, vous êtes pas raisonnable. Hein. Ah non, j'ai pas dit ça, et là, oh, là, oh, oh. Allons, madame, voyez votre mari avec... Non, allons. Allons. Non, il tient sa lapine en laisse. Oh, le... Non, mais il adore sa lapine. Et l'autre jour, son patron, il était content de lui. C'est vrai, il était tellement content de lui. L'autre jour, on l'a arrêté dans une rue qu'il fallait pas faire tellement qu'il... Il y va, lui, hein, quand il perce. Hein. Il dit, tiens, je vais vous envoyer en vacances. Vous allez passer 15 jours à Megève, ça va vous faire du bien. Oh, le gars dit, jour. Merci, papa. Merci, patron. Il était content comme tout. Mais il rentre chez lui, il dit, oui, mais... M'en aller à Megève, je ne peux pas emmener ma lapine à Megève. Surtout une blanche. Je vais la paumer dans la neige. On n'a jamais entendu une lapine crier au secours. Des quoi dérouter un Saint-Bernard. Alors il va la confier à sa voisine. Il arrive, il dit, je vais vous aider. Elle dit, non, vous ne me dérangez pas, parce qu'elle connaissait très bien. Et si, je vais voir si vous poupou. Hein. Si vous pouvez me... Tutut, papap, à la date. Si vous... Il faut pas faire pour gagner sa vie, dis-donc. Un de ces jours, je vais rester comme ça, puis c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Allez, je repars. Je viens voir si vous pouvez me garder ma lapine pendant une quinzaine de jours. Il dit, mais je vous paierai la pampan. La pension. Pas dit, j'espère bien. On attrape la lapine. On la fout dans le tas avec les lapins, et le gars s'en va passer ses 15 jours à Megève. Mais bien sûr, tout de suite, quand il revient, il ne veut récupérer sa lapine. Il ne pense qu'à sa lapine. Il va chez la voisine, elle n'est pas là. Il n'y a que le voisin. L'autre, il rentre, il fait bon. Bonjour, voisin. Allez, papa. Allez, papa, pas là, votre conjointe. Non, ma femme est au marché, pourquoi? Oh, mais ça fait. Ça fait rien. Mais dis-vous, vous avez tout toujours mal à main. Mal à la lapine? Je vous demande pardon. Je vous demande si vous avez toujours ma mal à lapine. Écoutez, mon vieux, vous rentrez chez moi. Vous me demandez si ma femme est là, je vous dites non. Et ensuite, vous me sortez des insanités. L'autre. Ils se disent, ils l'ont bouffé, ils veulent pas me la rendre. Et ça l'énerve. Et un gars comme ça qui s'énerve, c'est pas du loto. Il dit, je vous dis pas des insanités, des insanités. Moi, je suis sûr que vous avez mal à la pine. C'est moi qui l'a enfilé à votre bonne femme il y a quelqu'un, il y a 15 jours. Elle vient d'un pays lointain, cette danse. Elle vient mettre de l'emprunt, de la gaieté, c'est certain. Qu'elle soit country ou cajun, on la danse. Voyez-vous, on aime bien la Elle vient de pays lointain. Cette danse, elle vient mettre de l'enfant, de la gaieté, c'est certain. Que ce soit country ou cajon, on la danse, voyez-vous qu'on aime bien la danser entre copains. Allez, même si vous voulez, eh bien je vais vous la jouer plus lentement, on vient vous habituer. Allez, faites quelques pas, ensuite on verra. Attention, attention, attention, je compte un, deux, trois. Cette danse, elle vient mettre de l'enfant, de la gaieté, c'est certain. Qu'elle soit country ou cajun, on la danse, voyez-vous qu'on aime bien la danser entre copains. Cette danse, elle vient mettre de l'enfant, de la gaieté, c'est certain. Que ce soit country ou cajun, on la danse, voyez-vous qu'on aime bien le danser entre copains. Eh bien mesdames, il y a une chose, monsieur, je vous vois bien quand même que vous ne connaissez pas, peut-être maintenant ça a changé, c'est vrai, mais c'est le conseil de révision. Je pense, mesdames, que vous n'avez jamais passé le conseil de révision. Hein? Pensez bien, sinon je le saurais. Il y a longtemps que je serais major. Non, mais comme il dit Berlaudio, maintenant ça se passe plus comme dans le temps. Je vais vous reporter quelques temps en arrière, parce qu'il disait, Berlaudio, c'est quand t'arrives dans les machins de conseil de révision, là. On vous demande pas qui t'es, hein? Ah non, non, c'est tout nu. À pied tout nu. Il n'y a pas plus de kangourou que de balisère. Hop! Même si t'es une éminence, à poil. Ah oui, vous rigolez, madame, parce que on est là puis habillé, mais quand t'es tout nu. Hein? Voyez ce que ça peut donner, mesdames? 300 gros tout nu, là. Oh, je sais bien, quand on envoie un pitch, c'est le sien, à la rigueur, ça passe, mais 300. Hein? Bêtement, là, ils sont là, les mains dans... Les mains dans... Ah ben, les mains dans rien, puisqu'ils sont tout nus. Oh non, mais on est gêné. On est hygiéné, on est là, c'est off. On se connaît pas, rien du tout, on est là, en plein courant d'air, oh. On est gêné, puis on peut même pas causer métier. Ça va donc, on est un gars du doigt, et puis un employé du chemin de fer quand il a poêle. Ah non, on est gêné, on est gêné. Non, puis comme il dit Berlaudio, c'est dangereux, hein. Ah oui, madame, ça je peux vous le dire, c'est dangereux. Parce que, vous allez bien savoir, les premiers arrivés, ils se foutent le dos au mur. Mais les autres. Comme il dit Berlaudio, c'était fini, ça. Ah, mais arrêtez. Ah, oh, oh, oh. Avec quoi qu'il me pousse, celui-là. Alors, alors, alors, oh. Ah non, c'est dangereux. Hein. Oh, tiens. Un billet de 500 francs par terre. Laisse-le. Ne... Oh là là! Ne te baisse pas, malheureux. Oh non, c'est dangereux, c'est dangereux. Hein. Oh, quoi que Berlaudio, il s'en fout, lui. Ah oui, c'est un causant. C'est un gars, faut-il... Il sait pas à qui, mais faut-il cause, lui. Il y Il y avait un grand gars là qui était à côté de lui, habillé pareil. Alors il le regardait comme ça, monsieur. Et ben là, voilà, voilà. Eh oui, on attend son tour, quoi. Eh ben oui. Ouais, ben il est pas bavard, ce gars-là. Il est pas causant, causant. Monsieur, êtes pas de par ici, ou? Hein? Ah, moi, je suis de Vierzon, là, je suis mené en vélo. Je vais repartir en bicyclette. Ouais. Elle n'est pas causant, causant. Et voilà, et ben voilà, voilà. Et en le regardant, vous voyez, il détaillait un peu, une curiosité paysanne. Et en baissant les... Eh ben monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais je vous présente mes compliments. Ah, j'en ai déjà vu, mais elle est belle. Hein. Un peu reposée sur les coussinets, mais... Elle est belle, hein. Ouais. Si j'ai un conseil à vous donner, faut pas oublier la fête des mères. Ah, vous a gâté, votre maman. Ah, vous avez l'air de vous inquiéter, mais vaut mieux pas, parce que vous êtes reçu, vous, hein. Oh ben ça, avec un périscope pareil, ils vont ben vous foutre dans les sous-marins. Oh non, dis donc, je rigole, c'est nerveux. Dites, c'est toujours ben pas à vous, ça. Non, monsieur. C'est au gars qui est derrière. Tu nous arrives de l'Espagne, né là-haut dans le Val d'Aran. Au flanc caché de la montagne, fille de l'eau qui va courant. Tu t'élances au-dessous des cimes, sautille de pierre en rocher. Joue la musique, écris les rimes qui feront chanter les clochers. Au montant d'étoiles vives, diamant, source de mille feux, reflet d'argent sur le qui-vive, scintillant sous le beau ciel bleu. Oh, ma source d'eau fraîche et claire, tu coulais douce entre mes doigts. Oh, ma Garonne, à ma manière, je ne saurais vivre sans toi. Plus bas tu es bon de l'Ariège, que tu séduises à ta façon. Comme un braconnier dans ses pièges, capture un gibier ou poisson. Déjà, tu traverses Toulouse d'un flot calme ou impétueux. Enfant qui dort, femme jalouse, l'océan des yeux dans les yeux. Au montant d'étoiles vives, diamant, source de mille feux, reflet d'argent. Sur le qui-vive, scintillant sous le beau ciel bleu. Oh, ma source d'eau fraîche et claire, tu coules douce entre mes doigts. Oh, ma Garonne, à ma manière, je ne saurais vivre sans toi. Et puis, tu t'en vas vers les plaines. Sais-tu ce que tu vas chercher? Dans cette course à perdre haleine, entre vignobles et pêchers. Enfin, la Dordogne rivale t'entraîne juste après Bordeaux, dans une dernière cavale, en route vers les grandes eaux. Au bon torrent d'étoiles vives, diamant, source de mille feux, reflet d'argent sur le qui-vive, scintillant sous le beau ciel bleu. Oh, ma source d'eau fraîche et claire, tu coules douce entre mes doigts. Oh, ma Garonne, à ma manière, je ne saurais vivre sans toi. Tu nous arrives de l'Espagne, né là-haut dans le Val d'Aran. Flanc caché de la montagne, fille de l'eau qui va courant. Oh, ma source d'eau fraîche et claire, qui coule douce entre mes doigts. Oh, ma Garonne, à ma manière, je ne saurais vivre sans toi. Reflet d'argent sur le qui vive, scintillant sous le beau ciel bleu. Oh, ma Garonne, à ma manière, je ne saurais vivre sans toi. Oh, ma Garonne, à ma manière, je ne saurais vivre sans toi. Les pâquerettes fleurissent au plus beau jour d'avril, et Dame Taupe dans l'herbe verte a déjà construit son terril. La Vienne coule et moi je reste, avec l'amour pour terre d'asile. Tu berces mon cœur et ma sieste, il est bien doux ce mois d'avril. Aux roches bleues coule la Vienne, fille du plateau Limousin. Entre Charente et Haute-Vienne, pour mes racines terre de confins. Aux roches bleues planent mes rêves, qui se posent pour prendre vie. Loin des chimères, des amours brèves, le temps qui court s'arrête ici. Et je t'attends sur le vieux banc, lorsque descend le crépuscule. Les bourgeons dessolent doucement sur l'eau dormante. Redonne les couleurs du printemps à ces rivages limousins. Sur le pont vieux, deux oiseaux blancs se sont retrouvés ce matin. Aux roches bleues d'une aquarelle qui te surprend par sa beauté. Au point du jour, une hirondelle rase le frais gazon des prés. Aux roches bleues, près du rivage, quatre calvaires barbotent. Et le pont vieux du Moyen-Âge rassemble un peu mes aïeux. Du Limousin vient la chanson, et de la Charente l'amour. Du Limousin la tradition, de la Charente un nouveau jour. Douce vallée, terre de confins, rivière dormante ou bondissante, terre de passion, terre de destin, rivière des troubadours, tu chantes. Aux roches bleues coule la Vienne, fille du plateau Limousin. Entre Charente et Haute-Vienne, pour mes racines, terre de confins. Aux roches bleues plane mes rêves, qui se posent pour prendre vie. Loin des chimères, des amours brèves, tant qu'il court, s'arrête ici. Le vieux clocher de Saint-Maxime dresse sa flèche dans l'azur, et chaque instant devient sublime en épousant dame nature. La mariée en robe verte épouse le ciel et le vent, sortant de la campagne inerte, fait d'amour avec le printemps. Aux roches bleues, une aquarelle qui te surprend par sa beauté. Au point du jour, une hirondelle rase le frais gazon des prés. Aux roches bleues, près du rivage, quatre colverts marmottent un peu. Et le pont vieux du Moyen-Âge rassemble un peu mes aïeux. On va écouter maintenant Lou Cantou de Jean Vessel. Thank you. Ça, c'était les musiciens de la pastorelle avec ton introupelle. C'est pas grave, on va rectifier. C'est trop bruyant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter? Actuellement, on entend la bourrée des capuchins. Paris, elle aime ses bruyères. Ah, c'est là qu'elle a grandi, au pied des côtes jolies. Quand la bruyère est fleurie, au plein des monnaies, s'il sent loin les soucis, on les gens de Paris. La bruyère et fleurie, au plan des monnaies, ils sont loin les soucis, ont les gens de Paris. Robert Monnevière. 14h passées de 46 minutes. Mmh. nouvelles du moulin de Chaumeil. La journée est belle avec le soleil. La meunière est mignonne et elle n'a que 20 ans. La farine est bien bonne au moulin du printemps. Farine est bien bonne au moulin du Robert Mondesière, et c'est chanté par André Ponce. Les plus hautes montagnes d'Auvergne, le joli pays de mes amours. À l'ombre des châtaigniers et des vergnes, je voudrais vivre toujours, toujours. Quand son troupeau regagne la vallée, pleine de soleil couchant, le pâtre joue sur sa flûte enchantée, des airs qu'il a composés dans les champs. Chante ma musette, la chanson de mes plus beaux jours. Chante, chante ma musette, la chanson de mes plus beaux jours. Son troupeau regagne la vallée, pleine de soleil couchant. Le pâtre joue sur sa flûte enchantée, des airs qu'il a composés dans les champs. Chante, chante ma musette, la chanson de mes plus beaux jours. Chante, chante ma musette, la chanson de mes plus beaux jours. Eh bien, l'émission va se terminer dans 10 minutes. Je vous laisse en compagnie de RDP International en direct du Portugal. Et on va terminer l'émission en compagnie de Jossoni, ex-guitariste, chanteur, Vielle et compagnie, c'est le cas de le dire, de Monsieur Jean Ségurel. Avant Jossoni, je vous rappelle que demain, eh bien demain c'est lundi demain, oui c'est lundi demain, et demain après-midi, 14h, 16h, c'est le petit bal. Non, c'est pas le petit bal. Demain, 14h, 16h, c'est les bons succès de France. Mission After Job, après le travail, de notre ami Franck. Oh. Danse avec l'orchestre de Michel Poulon. Qu'il soit tendre ou plein d'insolence, on les reprend à l'unisson. Chantons-les, nos succès de France, sur un air d'accordéon. Auprès de ma blonde, qui fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qui fait bon tant mieux. Nuit à Verne, c'est le grand rendez-vous qui concerne tous les gens de chez nous. Connaissez quant à Louis Arverne, follement on dansera. Du régional ou du modern, tout le monde s'amusera à la nuit des Vous avez passé un bon après-midi à ma compagnie. Donc on se retrouve demain à partir de 14h pour Cocktail sur l'oreille, l'émission du lundi. Et évidemment, l'accordéon revient samedi, dimanche prochain. C'est le grand rendez-vous qui concerne tous les gens de chez nous. Connaissez quant à Louis Arverne, follement on dansera. Du régional ou du modern, tout le monde s'amusera à la nuit des Auvergnats. Le brise-pied est limousin et il vient de nos anciens. Chante avec nous ce refrain jusqu'au petit matin. Nous aimons tous le danser, pas besoin de nous prier. Notre brise-pied corésien nous met plein d'entrain. En suivant mon pas, je ne veux voir que toi. Y'a pas mieux que ça, un, deux, trois, au plat, scottish ou bien polka. Simplement voilà, pas de tralala, comme mon balapapa. Tous les dimanches nous allons, bien habillés comme il faut, dans les petits bals rétro. Mon Dieu que c'est beau.